Tu me sens-tu, bébé? Bonjour tout le monde, vous écoutez toujours La Marge, le 89.3 FM CISM. Je m'appelle André Péloquin, c'est la grande traversée du jeudi Plectrum qui débute, but. Maintenant, j'espère que tu es en feu, j'espère que tu t'amuses dans cette journée magnifique d'hiver. On glisse, on patine, on tombe dans la slotch, on pogne la grippe, on s'appelle André. Tu t'amuses, public? Tu passes une magnifique semaine? J'espère. Car si tu n'as pas passé une bonne semaine, eh bien, je te console sur mon épaule magique qui te fera pleurer et oublier tes soucis. Mais pour le moment, je vais, en attendant qu'on se voit, public, et qu'on se touche, que tu touches mon épaule et que tu aimes ça, eh bien, je vais te consoler en musique, car aujourd'hui, une fois de plus, je n'ai pas capable de gérer un budget, mais des quotas musicaux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. Pas beaucoup le temps de vous jaser ça. On va débuter dès maintenant avec du rock francophone. On va débuter avec une pièce qui a tellement joué cette semaine, une pièce qui est sur le palmarès de CISM, qui a tellement joué que non seulement elle va se rendre sûrement numéro 1 ce dimanche au palmarès, mais elle va tomber dans le négatif. Je parle bien sûr de Montréal moins 40 de Malajub. L'album Trompe-l'œil sort dans les bacs des disquaires le 7 février prochain et le 14, oh là là, lancement en concert au Théâtre La Tulipe, si je me rappelle bien. Ensuite, on va avoir du Comme un homme libre, du Carquois et la descente du coude. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez m'appeler au 343-CISM, 343-2476. Il y a aussi le courriel, c'est le plectrum cism@hotmail.com et ma balado diffusion, c'est le podmodernisme.blogspot.com. Restez à l'écoute, non seulement dans la musique, mais beaucoup de concours pour vous. Je vous en reparle dans quelques instants, mais là-dessus, je me ferme le clapet. On y va dès maintenant avec Malajub sur la marge, le 89.3 FM, CISM.

Est-ce qu'il fait chaud sur le dance floor? Oui! Bonjour tout le monde, vous écoutez toujours La Marge, le 89.3 FM CISM, je m'appelle André Péloquin. C'est la grande traversée du jeudi Plectrum qui se poursuit et j'espère que tu as chaud public en cette saison hivernale. On vient de débuter l'émission avec du rock francophone, on vient de terminer avec La Descente du Coude, c'était la pièce No Passaran, tirée de leur album L'Indécence du Coup. Un peu avant, on avait du Carquois avec Red Light, c'était tirée de l'album Les Tremblements s'immobilisent. Un peu avant, Comme un homme libre avec la pièce Swing Away, c'est tiré de leur maxi éponyme et on a débuté avec un extrait de l'album Trompe-l'œil de Malajube. C'était bien sûr Montréal, moins 40. Ça me fait penser... J'ai comme quelque chose dans la... GSM is Folie furieuse tout le monde, je viens de sortir le thème pour le tirage des billets du 15e anniversaire de CISM, concert qui se tiendra au Sepsum ce 17 février prochain en compagnie des Cowboys Fringants, des Trois Accords, de Malajube et plein d'autres invités folichons et amusants. Si vous voulez des billets, vous m'appelez en ce moment précis au 343-CISM 343-276 et je vous répondrai à la fin de mon intervention vocale et orale. On va poursuivre maintenant avec un petit peu de pop pour m'aider à prendre ces nombreux téléphones. Mon Dieu, j'ai l'impression d'avoir un Benson & Hedges devant moi. Le téléphone fume. On va avoir entre autres des pièces de Indochine, Robopop, Call Me Poupée et le Husky. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, 343-CISM, 343-2476, le même numéro que le concours. Le but de maintenant avec Indochine et Alice et June sur la marge. À tout de suite. Discothèque! Thank you. Avec un blue angel, je ne me ferai pas prier. Ok, oui, mesdames et messieurs, vous écoutez toujours La Marge, le 89.3 FM, CISM. Je m'appelle André Péloquin. C'est la grande traversée du jeudi. Plectrum qui se poursuit. Tout d'abord, félicitations à nos nouveaux nominés pour le tirage du 13 février prochain pendant l'émission Le Bras Gauche entre 16h et 18h, ici même sur nos ondes. Eh bien, on a Pascal, Sylvain, Sébastien, Patrick, Geneviève, Benoît et Catherine qui se sont ajoutés à la longue liste de personnes qui veut et désire les billets pour le concert du 15e anniversaire de CISM qui se tiendra le 17 février prochain au Sepsum en compagnie de Malajub, les Trois Accords, Yann Perrault et une autre ribambelle d'artistes qui ont fait la pluie et le beau temps de CISM. On vient de terminer un bloc plutôt popish avec le Husky, une véritable bombe ici à CISM. Ça joue beaucoup, beaucoup et c'est très bon. C'était la pièce Mourir comme un chien, c'est tiré de son maxi éponyme un peu avant. On avait Call Me Poupée avec Singapore Slang, c'est tiré de leur démo un peu avant. Robopop avec la pièce Robopop, c'est tiré de son maxi L'Évasion des tondeuses vampires. On a débuté avec Alice et June, c'est un sample et c'est de Indochine. On va poursuivre dès maintenant avec des pièces un petit peu plus hip-hop. Alors, si vous avez des enfants qui écoutent, ça pourrait peut-être brusquer leurs oreilles parce que vous savez, les gens du hip-hop, ils font du breakdancing, ils portent des tuques, ils ont du bling-bling et des fois, ils sont vulgaires. Alors, il faut pas exposer les enfants innocents et tout beaux à ça. Mais pour les autres, on va entendre des pièces de Gatineau, de Rouge à lèvres, de Omnicron. D'ailleurs, Omnicron qui lance leur deuxième maxi FM2 24 pouces glacé aux Zoubizarre en compagnie de Numéro et de Ghislain Poirier. C'est le 4 février prochain. Le 4 février aussi, il va y avoir des concerts de Natacha en compagnie de Mike O'Brien à l'hémisphère gauche. Au Petit Café Campus, ça va être le lancement du deuxième numéro, du numéro 1 en fait, du mensuel Bang Bang. Il va y avoir aussi des prestations de Nitro Sonic et de Gutter Demons, c'est au Petit Café Campus, 6$. Et on va aussi avoir à la Sala Rossa, les We Are All, les... Un chat dans la gorge. Les We Are All, We Are Wolves. Nous sommes des loups, Montadine, avec les Creeping Nobodies. Alors, un 4 février, impossible de rester chez soi. Et là-dessus, moi, j'arrête de jacasser, car j'en perds la voix. Et on va débuter dès maintenant avec 7 carrés de Gatineau. C'est une pièce que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur la compilation 15 ans de marge de CISM. Compilation qui sera distribuée le soir de notre joyeux et jouissif concert. Suivez les questions, les commentaires, les suggestions. Plectrum, cism@hotmail.com. 343-CISM, 343-2476. À tout de suite. Je m'éclate sur le dance floor! Ouais! Hey! En bas, qui là? Approchez-vous un petit peu là. Je vous trouve loin. Ah ben, êtes-vous dedans là pour un autre cette carrière là? Parce qu'on est que nous autres, les petits gars du groupe Gatineau qui vont venir nous pousser une belle petite surlite là. Comme la soirée canadienne, j'pars tout ce qu'on est partant pour faire, partant à l'ancienne. C'était traditionnel avec une touche additionnelle. Quand j'rappe ça qu'une paire de pincelards, j'peux j'me snap à mec quand j'l'os. Mais c'est pas dit par mode, c'est quand même dance. Comme une veillée dans la tête, fait que ça ne saute de partant. On va crisser des bûches d'apoise, comme tout ça à la nuque. Sortir l'accordéon, t'en s'attend tout de suite, j'vois les hommes de bar. Je vous vois drette là, y'a pas ta perdre, ça sombre bras dessous. Mais si mon est bien sous, mais si mes consorts disent, c'est ça la d'institut. Je vous vois toute la paroisse, va moi, je vous n'y a pas caisse. Vous levez sur vos chaises, y'a comment ça pèse. Que bonnet de Québécois d'assez sous sa caisse. Oh, qui fait chaud, ouais, c'est d'art comme dans une fournaise. Là, c'est floré, jamais je croirai, c'est pas ta forêt. Il est mieux pas rester personne la place des forêts. Mais vous correz, c'est pas ta doyer, c'est pas ta broyer. Je vois toute l'assistance, va moi débrouiller. Ça pèse à floré, jamais je croirai, c'est pas ta forêt. Il est mieux pas rester personne la place des forêts. Visite, hein, faut qu'on en profite. Rapport se rit pas souvent quand ça déboule la mythe. Je vais toute la parade, fasse la drive, elle mâche pit. Bon, participe à bas qui participe. Ça masse, en avance, en tasse. Que personne jase pendant que les joints se passent. Bibo sort des passes, mais si tu veux pas que ça brasse, ça t'aime mieux, tu tapes. Tu veux savoir qu'est-ce que je sais que ma grand-yeule. Les bibis boss de tout le temps, ceux qui en veulent. Ça s'en vient de 7-3 qui est le bûcheron. Tu vois dans mon live, dans ton cochon. Tu viens d'un village, des beaux en fond. Laisse la gêne droit. En graissant de la crête, c'est gâte. C'est ce qu'à fond, on fait sur ta cabane à sucre. Du planche au plafond, ça c'est tourné. Jamais je courrie, c'est pas ta forie. Mieux pas rester personne à la place dévorée. Puis vous courrie, c'est pas ta noyer, c'est pas ta voyer. Je vois toute l'assistance dans mon débrouillé. Ça c'est tourné, jamais je courrie, c'est pas ta forie. Mieux pas rester personne à la place dévorée. Puis vous courrie, c'est pas ta noyer, c'est pas ta voyer. Je vois toute l'assistance dans mon débrouillé. Les filles n'est pas troyées, les gars les bords tiroyés. L'assistance est perpillée, rapide chance de pareiller. Qui oyer? foyer. Parle-moi pas des potes du sky, parle-moi pas des potes d'écart, parle-moi pas de la mer du sky, parle-moi pas de la mer mi-doigt. Hey, reste pas planté là comme un estime estordu. Bouge ton cul comme ça, tout de monsieur pointu. À quoi dans la cabane, ça se passe comme dans le temps des fêtes. Ça se passe comme dans le temps de nos ancêtres. Oh, ça chiche qu'attaque la tonne arrête. Fait que je veux pas de snob, de bad boy pis d'eye bite. Joe White, toute la paroisse, va moi, je mon abacaise, vous levez, tu vas chasia. La maman, ça passe de cette forêt, jamais je corrige, c'est pas ta forêt. Et mieux pas rester personne à la place des forêts. Mais vous corrige, c'est pas ta noyer, c'est pas ta moyer. Joe White, toute l'assistance, va moi déployer, c'est à cette forêt. Jamais je corrige, c'est pas ta forêt. Et mieux pas rester personne à la place des forêts. Mais vous corrige, c'est pas ta noyer, c'est pas ta moyer. Joe White, toute l'assistance, va moi déployer, c'est à cette forêt. Jamais je corrige, c'est pas ta forêt. Et mieux pas rester personne à la place des forêts. Mais vous corrige, c'est pas ta noyer, c'est pas ta moyer. Joe White, toute l'assistance, va moi déployer. Ça se corrige, jamais je corrige, c'est pas ta forêt. Les mieux, pas rester personne à la place des forêts. Mais vous corrigez, c'est pas ta noyer, c'est pas ta voie. Et je vois toute l'assistance. Faut qu'il fasse chaud aussi tard comme dans cette fournaise. De toutes les matières, c'est ta carte qu'elle préfère. De toutes les manières, c'est ta carte. Hein. Mec, desserre ton anus, enlève le cactus de tes poches. T'as pas qu'une bite, t'as des potes, tu fais tout pour des tempes, pour rouler des patins. Mec, tu mets pas de carte, tes pains sont pas bien. Les filles sont des pains, toi t'es qu'un boulanger. Tu veux que les fourrer et puis tout manger. Mais les filles vont se venger, danger. Ramasse mon pull, toi tu vas te pencher. Et boum, dans le boule, t'as les boules, t'as les glandes. Plus de compte en banque, t'as les crottes de l'équipement. Plus de Saint-Andre et de cul dodu. Fini les restos, ça sera du père dodu. Des grosses pougnettes, seules dans les toilettes. Plus de poulettes, tu baisses que des Kleenex. Plus de cartes à but, que des films de cul. Plus de cul but, mais des branlettes cul. Main gauche, main droite, avec du savon. T'as déjà essayé, arrête tous les savons. Maintenant te verse pas, tu sais, moi je suis gentil. Pendant que tu y es, c'est la chantilly. Ma classe, ta meuf si apprêtée à péter comme des mots dans le gaz. Quand tu congases, acuté, regarde pas quitter des mots en base. Brune rousse blondasse, fils, fils, la cave d'occasion. Pour que tu puisses en faire un kiff de kiff, tomber dans le pif, pif, pif. Sèche ta carte bleue, sèche ta carte bleue, sèche ta carte bleue, sèche ta carte bleue, sèche ta carte bleue, sèche ta carte bleue, sèche ta carte bleue, sèche ta carte bleue. Tu t'es fait diarrhée, ta carte a pu s'achauffer, elle est même pas bonne. Comment t'as fait pour bander? Tu connaissais la note, et comment qu'on t'a payé? Mais c'est tout des salopes. Moi j'appelle ça racoler. Les AGO, le terminal, soirée par ego. Interminable, un festival de saligo. Carte à puce, écarte l'anus, Spartacus, large à plus, en débit ou en banal plus. Je m'en bats la rage, je suis con, je gratte les grosses, les revêts l'apéro. Les meufs branchent les sacs buton. Esquive les gratteuses, les larges guidons. Tchatcheuse, saltas, salpas, tu fais les massages sinon. Le matraquage, disons, je te paye un coup. Je te le repaye, je te réveille, je te pèse un coup. Souvent tu pars avant. Et pour rentrer, je suis fauché devant le taxi, j'ai pas l'argent. Dépend de l'agent, je suis censé être Paris. Découvert acquis grâce aux puissants sexes à pile. La vie sans aile contre paillettes et mascara. Soirée cocaïne, Babette et Barbara. Nos bling bling tu es, porte le distributeur. Claque trop d'ail dans l'alcool, j'ai un mini buffer. 50 claquer à minuit une heure. Trop de verre à offrir, j'suis busy, tu pleures. On dirait que j'ai un petit cruiser. J'ai qu'un petit scooter en 4 paires, j'ai le chéquier. Un pic, ma pite, matric, mon avis dans le guépier. Hypocrite, fillette, boire et aller plus avant. Ambiance flash dans le froid, à l'entrée dans la file d'attente. Ma classe, ta meuf si apprêtée à péter comme de l'eau dans le gaz. Quand tu congases, acuté, regarde pas quitter des mots en base. Brune rousse blondasse, fils, fils, la cave d'occasion. Sans faire un kiff de kiff, tomber dans le pif, pif, pif, pif. Sèche ta carte bleue, sèche ta carte bleue, sèche ta carte bleue, sèche ta carte bleue, sèche ta carte bleue, sèche ta carte bleue, sèche ta carte bleue, sèche ta carte bleue. Tu t'es fait carotte, ta carte a pu s'achauffer, elle est même pas bonne. Comment t'as fait pour bander? Tu connaissais la note. Comment qu'on t'a payé? Mais c'est tout des salopes. Moi j'appelle ça racoler. Sirop pour la toux, que j'aille le rhume ou pas. Pas capable de m'arrêter, tu fais juste me regarder. Moi je me regarde dans le miroir magnifique du matin au soir. J'suis tellement sale en dedans, mais ça c'est pas important. J'vais pour le love de l'argent. J'suis un esti de rush, m'excuse même pas. Les sauts fucking gabots, les sauts un peu crapauds. Tout ce que de ma tête va dans la tienne. J'avance dans ce monde comme j'étais immense. Pour qui tu te prends, gigantesque comme un géant. Mes couilles pètent des gratte-ciels, mes couilles pètent des gratte-ciels. J'ouvre vers le bas de ma face. Fuck you, toi pis tes farces. Tu voulais m'arrêter mais t'es pas assez bon. J'm'en fous tellement de toi, petit con. De toute façon, t'as pas ce que j'ai dans mes caleçons. Ce sont des montgolfières, plus grosses que la terre. Sur des chansons d'enfants, je couche avec ta maman. Et tout goût de boire, mais c'est ma job. J'suis l'insau Gabo. On prend tout, tout le temps. C'est plus, plus doux. On rit, on fait sentir. Sans de ton trou, on est juste trop. Fais ça pour vous, on vous confond des jaloux. On prend tout, tout dans cette pute, pute, nous. On brille, on mal s'intime. Sans peu, on trou, on est juste trop fou. On fait ça pour vous, on vous confond des jaloux. T'achètes mon disque, tu ris, tu m'en parles. J'suis un bon humoriste, tu veux des shows en salle. Tu ris du rap depuis longtemps, donc tu crois que l'on se comprend. Jusqu'à temps que tu vois cette lueur dans mes yeux. Que t'as déjà vu dans ceux des gens qui t'ont déjà fait peur. Ton visage change comme celui de mon père. Quand t'as vu mon véritable plan carrière. T'as de faire du rap et de devenir millionnaire. Que jamais j'allais travailler au ministère. Ce qu'on fait, on le fait bien. On le fait pas pour rien épais. Tu caches, on en veut plein. Donne-moi tiens, si t'en as pas besoin. Puis joue pas la petite vierge offensée. La seule chose j'ai juré faire pour le love, c'est aimer. Au moins la moitié de ce que je dis, je le pense. Veux-tu vraiment deviner laquelle? Moi je m'ignore, prends une chance. L'important c'est qu'on est essentiel. Omnicrome entre ciel et terre. Quelque chose que personne d'autre peut faire. Omnicrome, de la magie joyeuse. De la musique pour danseuse. On est à moitié méchant. Et on veut toujours nos diamants. Et seulement des filles nues en avant. Omnicrome, musique de déviant. On prend tout, tout dans cette pute. Ça pour vous, on vous confond des jaloux. On prend tout, tout dans cette pute, pute, nous. On brille, on mal s'intime. Sans de ton trou, on est juste trop fou. On fait ça pour vous, on vous confond des jaloux. On prend tout, tout dans cette pute, pute, nous. On brille, on mal s'intime. Sans de ton trou, on est juste trop fou. On fait ça pour vous. Font des jaloux. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Si t'es sérieux. Regarde-moi dans les yeux. Si tu talk shit. Regarde-moi dans les yeux. T'es pas sérieux. Lève la tête qu'on te reconnaisse. Soit ton petit clou pis ta connasse. Aux yeux du clan t'es déconnu. Ta vie se résume en fait cocasse. J'connais pas ton nom, ton adresse. On remarque un petit con par sa face. Y'a même ta blonde la balle à l'aise. Faut pas que son petit kid aille ta face. On se cachera pas que ton time est fini. Tant que tu talk shit on est béni. Pendant qu'on vend tous nos cilis. Sell ton ass comme Allegheny. Ça te rapporterait cash and friends. Pour payer l'HLM. Pis du sexe avec une naine. Ok le clown t'es pas King Kong. C'est boom boom and my run. Retourne faire du necking avec ta petite conne. Ok Chief t'es pas Tyson. On t'esquive en champion. Tu fais pas le poids comme le chien Paris Hilton. Respecte-toi, il est temps que tu fasses un homme de toi. Faut-il que je prenne un porte-voix, que je colle Montréal, qu'on aille te voir ou qu'on wait ici gentiment. Question qu'on fasse les gentlemen en camouflant nos sentiments. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Si t'es sérieux. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. T'es pas sérieux. Everybody knows qu'on sera jamais jamais close. T'es plus invisible qu'un ghost. T'es inutile de te faire un toast. À chaque fois que t'ouvres ta grosse gueule pendant qu'on signe des posters, tu te rends compte que t'es trop seul avec ta clique de loser. Tout ce qu'on fait c'est grossir. On n'a pas fini de te hanter. Tu violes l'argent va te salir, mais compte pas, il sera pas pour chanter. Boy, t'as pas fini ta crise. Hero Production run the biz. T'aurais pas dû raise up ta mise. Yo, peace. Non, fuck ton peace. On nous appelle les gars du pop, so on est back, yeah. On est fat sur le track, même pacté. Si le pop t'écoute pas, c'est qui veut pas te back, yeah. Tu vas t'aider, on n'a pas terminé, tu m'inspires un album de disrespect. Fuck it, fuck that. Pas temps perdre pour les rejects. Tu rêves à moi sur le BS, attends un chèque comme tes parents. J'ai des good news pour toi, on a encore de l'appétit. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Don't scotch. Si t'es sérieux. Fan de pute. Regarde-moi dans les yeux. Don't scotch. Si tu talk shit. Bitch. Regarde-moi dans les yeux. Don't scotch. L'Assemblée, mesdames et messieurs. Oh là là. Bonjour tout le monde, vous écoutez toujours La Marge, le 89.3 FM, CISM. Je m'appelle André Péloquin et c'est la grande traversée du jeudi Plectrum qui se poursuit sur les ondes de 89.3 FM, CISM, oui! On vient de terminer avec des pièces hip-hop, c'était L'Assemblée avec la pièce Regarde-moi dans les yeux qu'on vient d'entendre. C'est tiré de leur album Les Gars du Peuple. Un peu avant, on avait Omnicron avec la pièce Bille brille. C'est tiré de leur maxi FM2 24 pouces glacés. Vous avez aimé ça? Bien sûr que vous avez aimé ça, c'est Omnicron. Eh bien, vous irez au Zoo Bizarre ce samedi 4 février pour le lancement. Un peu avant, on avait la formation française Rouge à lèvres avec Carte à puce. C'était un remix de cette magnifique pièce. Et on a débuté avec les excellentissimes, mon Dieu, je dis excellent souvent, les brillantissimes Gatineau. C'était la pièce 7 carrés. Vous pourrez retrouver cette pièce sur la compilation de CISM 15 ans de marge qui sort, je vous le rappelle, le 17 février. On va aussi de maintenant, on va terminer l'heure avec des pièces plutôt acoustiques, plutôt folk. On va entendre du André. On va aussi avoir du Kitchos Band, du Trois gars sur le sofa, ici on a le temps du Simon J. En attendant, si vous n'avez rien à faire et, ça vous, et votre passion dans la vie, c'est économiser et que vous êtes mis up, eh bien, je vous invite à m'appeler. On a un petit concours ici. L'émission est présentée par une boutique qui s'appelle La Boîte à lunettes qui se situe au 2025 Saint-Denis. Eh bien, cette pièce vous offre 100 cette boutique vous offre 100$ de rabais à l'achat d'une nouvelle paire de montures. Et si vous êtes étudiant, en plus, vous aurez un boni de 50% de rabais. Alors, c'est super intéressant. Si ça vous intéresse de profiter de ce rabais, ou si vous connaissez quelqu'un, votre petit ami, votre petite, votre copine, vos cousins, votre tante et aurait besoin de lunettes, faites-lui cadeau en participant à ce magnifique concours qui est super simple. Vous avez juste à m'appeler 343-CISM 343-2476. On va débuter dès maintenant avec ce bloc plutôt acoustique avec Station Balnéaire de la formation André, tiré de leur album Les Derniers Modèles de la Mode Masculine. Tout ça où? À Plectrum, sur le 89.3 FM, CISM, discothèque tout le monde. Ouh, ouh! Ouh, ouh! Ouh, ouh! Yeah! Bouge ton cul! Fait sauter la banque, ils ont emprunté la route. Le soleil se couche sur la mer, le sommeil met fin au doute. En quittant l'aérogare, le carbone laisse sa trace. Avant de prendre ses airs, il décolle. Dans une couteau se resserre. Gyrophare, moustache, revolver à l'ombre. Dans une station d'une oreille est dérangée de l'autre, je trouverai la cause qui sera la nôtre. Ce n'est pas si facile de n'en choisir qu'une, il y en a tant de débiles et si peu d'opportunes. Si la vanité, l'honneur et ma conscience me poussent toujours à l'acte de présence, si je ne connais pas toutes les raisons, je tiens à me battre de toutes les façons. Pas assez d'hommes qui roulent sous le feu de ma raison. Il faut imposer le moule par la bouche des canons. Je suis sans pitié lorsque la cause est bonne. Le bien dans mon camp, je ne crains plus personne. Ce fumeur musulman d'échéance subiront mon coup dément. Ma force et ma puissance, quand je mobilise, je suis le plus fort qui aura le courage d'appuyer le tort. Pour tous ces amis ou vipères à détruire, il faut pour être heureux se préparer au pire. Pas assez d'hommes qui roulent sous le feu de ma raison. Il faut imposer le moule par la bouche des canons. J'ai les acquis, défendre nos valeurs, prouver une fois pour toutes quelles sont les meilleures. Par le même souffle, se rendre à l'évidence, nous sommes bien les seules hommes dignes de confiance. Il faut à tout prix remporter la victoire. Si nous sommes les blancs des Simons, tous les noirs, nous serons sang et eau jusqu'à la dernière goutte. Éclairons de lumière toutes les ombres d'un doute. Pas assez d'hommes qui roulent sous le feu de ma raison. Il faut imposer le moule par la bouche d'un canon.